des potes. J'suis dans le mec, y'a des dealers à gauche. J'suis dans le mec, des proxénètes à droite. C'est la street, on va les faire danser. C'est la street, on va les faire danser. Un son pour la street, c'est un son pour la street. Un son pour la street, c'est un son pour la street. On danse comme la street, et on danse comme la street. On danse comme la street, et on danse comme la street. Un son pour la street, c'est un son pour la street. Merde, j'ai tellement questionné. Merde, pendant qu'ils sont pistolets, de me mettre dans le trou pour dans le hedge, je connais. Un son pour la street, un